Elle est super riche et super intéressante, cette spé française. On continue de dérouler tranquillement avec Death War maintenant. Un power trio qui nous vient de Nancy, qui nous propose un juste et puissant équilibre entre du death et du hardcore. Ils sortent là un deuxième EP. Dans les influences, on peut noter Terror, Nails et autres, Black Breath. Voilà, c'est lourd et nihiliste comme on aime. Et en doublette avec Death War, Skaphos, formation de Black Death qui nous vient de Lyon, d'inspiration lovecraftienne et autres profondeurs abyssales. Le groupe a récemment ouvert pour la tournée de I Am Morbid, Belphégor et autres Hate. Voilà, ce qui permet un peu de brosser la musique que nous proposent les Lyonnais de Skaphos. Condemned to Breath, c'est le titre de Death War qu'on s'écoutera extrait de leur nouvel EP Total Totonic Torso. Skaphos, ensuite le morceau TH Nautilus, extrait du nouvel effort studio Tohoi. Et c'est parti! Eyes, complete darkness. I'm a wasted eyes. Et on va pouvoir refermer tranquillement l'aspect hexagonal avec une toute dernière doublette. Sunster, tout d'abord, groupe de post-hardcore Doom Sludge qui nous vient de Lille, actif depuis presque une dizaine d'années. Ils sortent là leur troisième Alfort Studio. Une musique massive, monolithique, riche dans les sonorités cependant. Et au niveau de leur thème principal, on retrouve les légendes et autres mythologies sumériennes. Donc voilà, c'est pareil en termes de thématique, c'est plutôt original et donc intéressant de se pencher sur cette formation lilloise. Et pour clôturer l'aspect française, Worst Nation, le groupe de grindcore qui nous vient de Besançon, actuellement d'ailleurs en tournée aux États-Unis, ils sortent là un troisième album studio du grindcore ultra radical, 16 titres qui n'excèdent pas 15 minutes au total. C'est absolument parfait. Donc la doublette que l'on va s'écouter tout de suite, Sunster avec le morceau Namlodu Dikud, The Sentence, extrait de leur nouvel effort studio Sisudra. Et ensuite Worst Nation, Sewage Breath, enchaîné à Blacklegged, extrait de leur nouvel effort studio Dearth. Et c'est parti pour clôturer l'aspect française. Et du coup, c'est maintenant l'heure d'attaquer la dernière partie de l'émission de ce soir, autour à la diff internationale, avec tout d'abord Come to Grief, groupe de Doomsludge ricain. Après toute une série d'EP et autres splits, ils sortent là un premier album studio. Le groupe ne date pas d'hier, parce qu'en fait, de base, il s'appelait Grief, étaient des contemporains de l'époque des premiers Ayat God et autres Crowbar. Et Come True Grief, en fait, c'est le nom du tout premier album qui avait sorti Grief en 94. Voilà, au niveau du line-up, c'est forcément monté par un des fondateurs du Grief de la première époque. C'est lourd, c'est violent, les vocaux sont bien agressifs, Come True Grief, prenez le temps de vous pencher sur le sujet. Et ensuite Deadhead, un vieux groupe de thrash qui nous vient de Hollande, formé à la fin des années 80. Ils sortent là leur 7e album studio. Le groupe a toujours été plus ou moins actif. Disons que le groupe n'a jamais été en hiatus ou en split, hein, c'est juste que ils se donnent le temps. Et on est sur du thrash bien bien violent, à la limite du black ou du death, dans une veine Sadus, Dark Angel et autres Creator version la plus violente. C'est bas du front, c'est super efficace et agressif, particulièrement sur les parties vocales. Donc voilà, Come to Grief, on va s'écouter tout de suite le morceau When the World Dies, extrait de l'album du même nom, et Deadhead ensuite avec le morceau South Fork, extrait du nouvel effort studio Slave Driver, une sortie Emmerhurt, c'est parti. Suivante, ouverte par Static Abyss, c'est une toute récente formation ricaine, un duo de Death Doom, dans lequel, sans surprise ou presque, on retrouve Monsieur Chris Reffert d'Autopsy, à la batterie et au chant, et il s'est accoquiné avec le nouveau bassiste de Autopsy, Greg Wilkinson, un autre vétéran de la scène. Voilà, et puis ensemble, ils nous balancent un Death Doom bien old school, moins crado qu'un Autopsy. Voilà, avec des passages Death ultra violents et des séquences Doom beaucoup plus forcément pachydermiques. Une sortie sur label anglais Peaceville. Et ma foi, ce premier effort studio de Static Abyss convainc sans difficulté. En doublette, nous aurons le groupe de black metal suisse formé en 2018, Haara, toujours signé chez DB Mur Morti. C'est le deuxième volet d'une série de disques, hein. Vous le remarquerez rapidement tout à l'heure quand je présenterai le nom de l'album. Et une des particularités de Haara, au-delà de la qualité musicale globale, c'est que c'est une femme qui tient le micro, et elle a un timbre de voix écorché et criard qui rend le tout vraiment glaçant dans le black de Haara. Jobon Ritual, c'est le titre de Static Abyss qu'on va s'écouter tout de suite, extrait de leur nouvel effort studio Labyrinth of Veins. Et ensuite Haara, la formation suite, le morceau Midgift, extrait de l'album Triad to Hemera. C'est parti. Yeah! Et donc on approche tout doucement de la fin de l'émission de ce soir avec déjà l'avant-dernière doublette pour aujourd'hui. Tout d'abord, Cauchemar, comme son nom ne l'indique pas du tout, la formation n'est pas française, mais pas loin, puisque c'est une formation de Heavy Epic Doom qui nous vient du Québec. C'est une femme également qui tient le micro, actif depuis 2007. La formation sort là son troisième effort studio. C'est ultra rétro, ça sonne à fond horror rock des années 60, avec de l'orgue pas dessus, enfin vraiment une dimension théâtrale grandiloquente et bien glauque, et en doublette avec Cauchemar, et bien encore une formation emmenée par une femme derrière le micro, Savage Necromancy, un groupe ricain de War Death, War Black, à la croisée entre Archgoat, Blasphemy et autres Revenge. Un premier album était sorti en autoprod l'année dernière, et c'est maintenant 20 Backspin qui nous sort, tout simplement, qui nous ressort l'album. 10 morceaux, 27 minutes, 0 finesse, 100% bestialité. Et putain, ça fait sacrément le taf ce que nous propose Savage Necromancy. Cauchemar, le morceau Notre-Dame sous terre, extrait de l'album Rosa Mystica. Savage Necromancy, Conquest of Nazareth, extrait de l'album Feather Fall to Flames. Et c'est parti. Et la suite et la fin de l'émission de ce soir, nous aurons tout d'abord Reaper, pour une fin toujours plus rao. C'est une formation qui nous vient d'Australie, qui a vu le jour il y a une demi-douzaine d'années. On a sur du Proto Black Old School qui nous renvoie au tout début des années 80, à la sauce Elhammer, Venom et premier Bathory. 10 titres pour une trentaine de minutes, voilà, c'est ultra radical et bien old school, et ça passe, vraiment. Crème. Et en clôture de l'émission de ce soir, le groupe de Brutal Death Grind même, qui nous vient du Portugal, Holocaust Cannibal, la dernière nouveauté pour l'émission de ce soir, 6ème effort studio en 25 ans de carrière, une bonne trentaine de minutes, hein, ça reste ultra classique la recette de Holocaust Cannibal, et en même temps on en attend pas moins de la part de la formation portugaise. Reaper, le morceau Internal Torment, extrait de l'album studio Viridian Inferno. Holocaust Cannibal, le morceau Exodo Mortuoso, extrait de l'album Crazza Felina. Et bien sûr, une des particularités, c'est que tout est chanté en portugais. Une sortie Self-Made God Production. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Émission qui devrait, une fois de plus, être en différé. Merci, ciao ciao.